par un soir de printemps encore glacé. Mon cœur triste évoquait le gai passé. Devant le feu, je relisais de vieilles lettres, chers secrets. Mais hélas, depuis lors, tout a changé. Le roman d'autrefois m'est étranger. Et j'ai brûlé ces douze aveux à la flamme du dernier feu. Un peu de fumée, voilà tout. L'amour dans les cœurs se dissout. De tant d'ivresse, caresse, que l'on prodigue à 20 ans, la trace s'efface avant qu'il ne soit longtemps. Pourtant, je t'aimais tendrement. Tu fus mon seul bien, mon seul tourment. Heure cruelle ou belle, que me reste-t-il de vous? Un peu de fumée, voilà tout. Un peu de fumée.